Nous sommes en 2010 après Jésus-Christ. Toute l'Amérique française est assimilée. Toute? Non! Une province et en particulier une région d'irréductible québécois résiste encore et toujours à l'assimilation. L'Outaouais. Vous écoutez Les Irréductibles. De retour aux Irréductibles. La radio libre de l'Outaouais. Sur les ondes de... D'Oréal Radio. Point. FM. Québec Radio. Point. Org. Et du 1670. AM. C'est exact, c'est nous. Dans la, comme dirait Kevin, dans la grande région... De l'Outaouais. Évidemment. La magnifique région de l'Outaouais. Très estivale dernièrement. Oui, hein, ben, comme partout au Québec, je crois que c'est le retour des festivals. Comme sans doute, quelque part, il y a peut-être le festival du cochon graissé. On va savoir. Ah, peut-être. Mais, parlant de festival, je sais que ben, là, on est encore dans l'intro, puis on arrive dans même comme un cheveu sur la soupe, mais je veux savoir comment que c'est passé ton Rockfest. C'était génial, il a fait chaud. Je suis content de dire que j'ai bien fait mon travail. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de la station avec qui que je travaillais. J'ai trois artistes qui ont dit qu'ils allaient envoyer leur démo à Réel Radio. Donc, évidemment, ce qui est génial, c'est qu'on va découvrir ça. Donc, je vais les recevoir bientôt. Dans pas long, si je comprends oui, bien. Oui, et il y a même la représentante de la compagnie de disques Indica qui était très impressionné par mon pitch de vente, comme plusieurs personnes, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ah oui, d'accord. » Puis là, je disais « Tu vois, les réels radio, c'est ci, c'est ça. » Bon, je faisais un peu, j'expliquais un peu c'est quoi. Et là, les gens me disaient « Ah oui, mais tu sais, moi, je l'habite à Montréal. » Je dis « Ah, mais on est sur Internet. » « Ouais, mais j'habite à Montréal. » Je dis « On s'en fout. » J'ai dit « Les irréductibles, nous, on est écouté jusqu'en Côte d'Ivoire. » Ben oui. À ce qui paraîtrait. Même en Belgique. Et j'ai dit... À Marseille. À Marseille. Et j'ai même dit, écoutez, l'Internet se rend partout. Donc, tu peux nous écouter. Tout le monde a fait, oh, ouais! J'ai dit, ben, ah ouais! Bravo! Le futur de la radio, c'est ça. Oui, ben, c'est ça. C'est exactement aussi ce que j'ai expliqué à certaines personnes. Non, c'était génial. Écoute, j'ai vu des groupes que j'avais pas grand intérêt, mais comme c'était intéressant. J'ai vu Pennywise, j'ai vu une femme se dévoiler la poitrine sur les épaules de son chum, se faisant aller gentiment les pectoraux. Ouais! Wow. Ah ouais, oui, à un moment donné, j'étais pris dans un brouillard de Marie-Jeanne, de fumée secondaire qui était de partout et qui moi qui conduisais en plus, j'étais comme « Non, non, non, va-t'en, drogue, va-t'en! » Loin de moi! À un moment donné, j'étais pris en deux trash, sérieusement. J'étais en train d'essayer d'écouter Pennywise parce que je découvrais Pennywise. Et oui, je découvrais Pennywise. Mais évidemment, je connais plein de groupes que plusieurs de nos auditeurs n'écoutent pas. Donc, vous n'avez rien à dire. En trois mots, tu viens nous décrire la fameuse expression « sex, drugs and rock and roll ». Oh oui, oui, oui. Oh, oui, écoute, il s'est passé des trucs, c'était cool. J'ai vu quand même Lamb of God, ce que c'était un groupe que je voulais voir, Hatebreed, c'était génial de voir la foule réagir autant. J'ai vu C.J. Ramones, le dernier petit frère des Ramones. Exactement. J'ai vu The Descendant. J'ai vu Mononcle Serge avec son... Il a fait une petite demi-heure. Tout seul avec sa guitare, qui était drôle, ce qu'il disait « Bon, enfin seul avec moi-même, enfin plus besoin de partager mon cachet. » Puis il regardait les gens du Rockfest, si minime soit-il, avec un petit sourire. « Plus besoin de partager le micro, la gloire, la fortune et les groupies. » Et il a annoncé à tout le monde qu'il était en train de travailler sur un nouvel album. Solo? Solo. Oh oui! Oui. Oh, mon oncle Serge, après Pépé et sa guitare, mon oncle Serge et sa guitare. Exactement. Parce que après le premier grand succès qu'il avait eu de mon oncle Serge Anonymous, l'Académie du Massacre, il avait fait ensuite le Sergent d'Amérique, avec la fameuse chanson fédéraliste, il faut être fédéraliste, chevalier de la lumière, pourfendeur du despotisme, du terrorisme et de la guerre. Tu vois, moi, je l'écoute à chaque fête du déménagement, je l'écoute. C'est bien, dans le fond. C'est une bonne tradition à instaurer, ça. Puis ensuite, il y a eu le deuxième album avec mon oncle Serge Anonymous, qui était musique barbare, que j'ai adoré, évidemment. Donc, plein de groupes. C'était vraiment intéressant. J'ai vu ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de métalleux et de punk réunis à un seul endroit. Montebello était assiégé par des poêles puis des punks. Je suis passé par là en fin de semaine à 6h30 le matin en direction de Montréal. Ça avait l'air d'une zone de guerre. Elle voulait. Il y a des tentes partout. Ah oui, ben c'était Woodstock. C'était Woodstock. C'est ça. Il attendait 40 000 personnes et je crois qu'ils ont même dépensé ce nombre-là. Le petit bonichois, là, puis les dépanneurs, là, ils ont vendu tout leur stock de bière, là. Il y avait même des enfants qui se promenaient avec un tracteur à gazon, là, OK, avec une charrette en arrière, là, puis ils se promenaient sur le long des petites routes puis ils ramassaient les bouteilles de bière. Les bouteilles de bière puis les canettes de bière vides, puis ils ont vraiment fait la pièce. Et ça en fait des paquets de gomme, ça. Oui. Et donc, bref, j'ai vraiment aimé. Évidemment, j'adore Réel Radio pour ça, parce qu'ils m'ont permis de pouvoir y aller. Et vous, messieurs, rapidement, votre fin de semaine? C'était du travail acharné. Puis, en gros, c'est pas mal ça. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Tu as travaillé sur l'indépendance? Oui, ben oui, ça je lâche jamais, ça. En disant put, put, put. Oui, exactement. Oui, j'ai installé mes petits drapeaux sur mon auto. Oui, ils sont ça, cute. C'est important. Puis vous, monsieur Sobchak? Ben j'ai eu une fin de semaine un petit peu moins joviale parce que j'ai dû me rendre à des oui, toutes mes sympathies. Je sais parce que la plupart des gens ne l'ont peut-être pas entendu sur la balade de diffusion de l'émission de la semaine passée où est-ce que mes deux amis ici se sont ouverts le cœur et ont dit à deux personnes très chères qui étaient très malades à quel point qu'ils les aimaient mm-hmm. et qu'ils espéraient voir. Et j'ai vu ton message sur le Facebook et j'ai tout de suite pensé à toi. Ben oui, c'est ça. Donc, je peux dire que j'avais besoin d'un petit remontant, un peu comme toi la semaine passée. Puis j'en ai profité pour travailler sur ma chronique. Parfait. J'ai fait des dégustations complètement incroyables. Parfait. Et voilà. Parfait. J'ai hâte que tu nous en parles. On va te laisser. Tu vas avoir en masse de temps cette semaine. Oh oui. Je vais aller rapidement sur deux petites nouvelles. Bref. Alors, c'est sorti la semaine passée. Canular ou menace sérieuse. Une lettre anonyme visant l'industrie du gaz de schiste a été remise à la presse la semaine passée. Le texte découpé dans des titres de journaux est signé la milice québécoise pour la protection du territoire, un groupe inconnu jusqu'ici. Moi aussi, je ne les connaissais pas. L'auteur se plaint des refus répétés du gouvernement Charest de décréter un moratoire immédiat sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Nous n'avons plus le choix, nous allons imposer notre moratoire et nous prendrons les moyens nécessaires pour le faire respecter, poursuit l'auteur. Il prévient qu'à partir du 1er juillet, soit vendredi prochain, pas de cette semaine, mais dans deux semaines, toute activité industrielle aura des conséquences graves comme la destruction de sites. La destruction de sites. Oui. Oh! Également, petite nouvelle, comme tu sais, on te faisait marquer, Patrick, moi, dès qu'on parle de nucléaire, je suis tout feu, tout flamme, et je suis comme le petit poisson des Simpsons, j'ai trois yeux. Ça devient le fun d'écouter. Oui, mais est-ce que tu savais que la semaine passée, une fuite d'eau contenant du tritium a été décelée à la centrale nucléaire Gentilly 2 à Bécancourt à la suite d'un incident qui s'est produit? Le 13 juin dernier, lundi passé. Bien, je ne sais pas, mais peux-tu m'en parler? Bien sûr. La Commission canadienne et la Sûreté nucléaire surveillent la situation et estiment qu'il n'y a pas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs. D'ailleurs, la fuite est maintenant colmatée. Hydro-Québec analysera l'incident lors du tribunal de la Commission au mois d'août. C'est la seule information qu'on a. C'est un petit article. L'article que je viens de vous lire, c'est tout ce qu'on avait. Ils vont en aller. Attends. Excuse-moi, là, je ne veux pas t'interrompre. Vas-y. C'est la dernière phrase qu'elle t'a dit qui m'a chicoté les oreilles. Hydro-Québec analysera l'incident au mois d'août. Lors du tribunal de la Commission au mois d'août. OK. Parce que ce n'est pas important, une fuite nucléaire, il ne faut pas gérer ça c'est tout de suite. Et évidemment, je suis allé faire recherche exactement sur qu'est-ce que était le tritium. Ils s'en servent de la partie gazeuse, parce qu'on s'entend que c'est radioactif, et ça a une vie de 12 ans et demi. OK, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Ça veut dire que ça s'est ramassé à terre, puis ça va être là, dans le sol, pendant 12 ans et demi. Mais ils s'en servent de la partie gazeuse pour mettre dans nos petites... dans nos montres. Tu sais, le petit côté fluorescent quand il fait noir, là? Ah oui, indiglo. C'est du tritium gazeux qu'il y a là-dedans. Oh. Ah oui. Oui, monsieur. Vive Wikipédia. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Il y avait une tonne de formules que je comprenais absolument rien, mais moi, je recherchais, c'était le côté dangereux. Mais c'est difficile de faire confiance au gouvernement quand les seules informations qu'on a, c'est quelques gouttes. Exactement. Puis quand on sait qu'en plus, que la presse et le gouvernement Charest marchent main dans la main. plus voilà. que main dans la main. Ils se tiennent taille par taille. Et puis, je sais pas, on va faire ensemble la fête du déménagement. Ils se pognent le muscle fessier. Écoutez, moi, j'irai pas plus loin. Hein. Je suis quand même surveillé par la direction pour des mots déjà désobligeants que j'ai déjà tenus à l'encontre du premier ministre, que je n'aime toujours pas plus. Je ne l'aime pas. Non. Et tu as le droit. Bien sûr que je suis certain. On n'est pas obligé d'aimer notre premier ministre. Que je ne l'aime pas. Alors, rapidement, nous allons tout de suite aller avec la dernière entrevue de cette longue série réalisée lors du 10e anniversaire du Québécois, il y a quasiment un mois et demi. Sauf que, petit point à rappeler, Kevin. Oui, c'est ça. On a eu des... comment je pourrais dire ça? On a eu des commentaires. Charest nous aime pas, il a attaqué l'émission. Il nous a écrit personnellement. Non, c'est une blague. Mais non, mais certains de nos auditeurs nous ont envoyé des commentaires, comme quoi que la semaine dernière, quand on a diffusé l'entrevue de Sébastien Ricard, qui avait été réalisée au 10e anniversaire du Québécois, sur notre balado diffusion, on n'entendait pas très bien l'entrevue. Le son était vraiment pas fort, donc on n'entendait pas grand-chose, finalement. Fait que 18 minutes à rien entendre, c'est fantastique. On passe le message. On est toujours content d'avoir vos commentaires. Fait que ça va nous permettre de nous améliorer. On va retravailler là-dessus. On va faire un montage. On va essayer d'équilibrer le son de façon à ce que le son soit meilleur. Et on devrait être en mesure de vous présenter ça la semaine prochaine. On se croise les doigts. Et vous pouvez évidemment toujours commenter l'émission en direct sur la page Facebook. Ça va nous faire plaisir d'avoir vos commentaires positifs et négatifs. On va faire delete. C'est une blague. Mais non, moi je suis pour ça. Toute critique est bonne à entendre. Bon. Alors, monsieur, si vous me permettez, nous allons aller avec la dernière chronique et nous revenons avec monsieur Patrick Sobchak. À tout de suite. Ici Jean-Philippe de Garimatu, des Fils de la Liberté sur www.lesfilsdeliberté.net. Vous écoutez Les Irréductibles sur realradio.fr. Alors, toujours au 10e anniversaire du Québécois, on a maintenant notre plus féroce compétition des Irréductibles. Les gars des Fils de la Liberté, alors on a... Jean-Philippe de Carré-Mathieu, votre animateur favori, pas Frédéric Millette. Et Mathieu? Mathieu Duchesne. Alors les gars, ça va bien? Ah, très très bien. Alors, comment qu'on sent maintenant quand on est devant la compétition féroce? On est quand même 3 contre 2, puis... Absolument pas intimidé. Non, bon, on a déjà gagné, là. C'est ça. Non, c'est le combat perdu. Ça la confiance, si, hein. Ouais, on est très contents d'être à la même soirée que vous ensemble. Oui, c'est vrai, c'est le fun, tu sais, de savoir que... On fait de la radio, puis on s'aime. Puis on est commun. On est dans un backstore, on est juste des gars, il fait chaud. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait chaud, ouais, c'est humide. Juste qu'on s'aime de façon platonique, là. Ouais. Non. Non, mais de côté plus sérieux, ça fait à peu près un an que l'émission existe? Ça fait exactement 2 ans et demi. Ouais. Deux ans et demi, hein? Ça existe depuis 2009. OK, depuis 2009, OK. Plus ou moins... En séquence, là. On prend des pauses longues. Ouais, généralement, l'été, on est en break parce qu'on a besoin. Parce qu'on fait ça, on fait une émission maintenant à chaque semaine au lieu de par 2 semaines, comme on faisait avant. Mais on a une plus grosse équipe maintenant. C'est pour ça que maintenant, c'est hyper cacophonique. On essaie que ça soit le moins cacophonique possible. Ouais. Je pense que moi et Kevin, on connaît pas mal ça. Ouais, plus d'expérience dans le domaine. Et puis, c'est quoi qui vous a amené à vouloir débuter une émission de radio? Parce qu'on s'entend quand même que c'est de l'équipement, ça demande du temps. Vous avez sans doute d'autres choses à faire dans la vie autre que ça. Mais c'est quoi qui vous a amené à partir de l'émission? On est des sociopathes. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a aucune vie. Donc, il y a quelques années, là, de ça, moi puis le co-animateur Simon Touin, on militait dans un autre mouvement, puis on voulait partir une émission de radio, carrément. On a toujours voulu faire de la radio, puis on dit ça nous tentait, on voulait déblatérer sur les ondes, on voulait pas se faire imposer quoi que ce soit comme limite ou ligne de pensée ou quoi que ce soit. Fait que on va partir à partir de rien, on va la construire nous-mêmes, exactement ce qu'on a fait, puis c'est ça. Puis vous êtes quand même assez populaire quand même sur votre site internet. Vous avez du monde en maudit qui vous suivent. Et c'est surtout drôle parce qu'il y a du monde qui sont en maudit qui nous suivent aussi. Ah, OK, à ce point-là. Oh, oui. Non, mais on n'est pas payé, Kevin. On a encore juste du monde qui nous aime pour l'instant. C'est parce que vous n'êtes pas assez populaire encore. Les insultes commencent. Ça y est. Vous allez. Pour le gage de popularité, c'est quand vous recevez des death threats, là, des menaces de mort par exemple. À ce point-là, sérieusement? Non. OK. Non, mais. coup. On vise ça pour 2012. On vous met souvent l'étiquette de conspirationniste. Hein, vous autres, le World Trade Center. C'était pas les avions qui ont fait tomber. Elvis Presley. Ouais. La mort d'Oussama Ben Laden. Vous trouvez pas ça difficile à vivre? Est-ce que vous payez toujours autant avec les femmes malgré tout? Tu pourrais être surpris, mais ça marche encore mieux. Non, mais... moi, je marche dans la rue et les femmes me pitchent leur brassière. OK, d'accord, c'est bien, c'est bien. Non, mais honnêtement... C'est pas un problème. C'est, genre, moi, j'en ai rien à cirer. Les gens peuvent me traiter du nom qu'ils veulent. L'année dernière, il y a Jean-François Clich du Soleil, Journal de Québec, m'a interviewé. Puis lui, vraiment, sa cible, c'était de comment je pourrais... Me descendre avec l'angle conspirationniste, ça a plus ou moins bien fonctionné parce qu'il a vu que j'étais quand même nuancé, chose qu'il s'en est probablement pas à avoir. Fait que non, moi je m'en fous. J'ai pas comme parti cette émission-là pour dire ce que les gens d'une certaine classe sociale veulent entendre, notamment les journalistes et les politiques. Effectivement. Mathieu à lui-même, effectivement. Et c'est quoi qui a fait en sorte que vous avez eu le besoin de créer une émission de radio? Les femmes. OK. C'est une maudite bonne raison. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est sûr que c'est une bonne question, ça. Est-ce que c'était vraiment un besoin? C'est par conviction, moi, je l'ai fait. Ouais, je pense que c'est plus par conviction. De vouloir créer quelque chose au moins plus ou moins utile. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point c'est utile, là. Mais... On n'est pas assez arrogant pour dire qu'on est extrêmement utile puis au top de tout, là, on s'entend. Non, mais attends, c'est une vocation en soi, mais ça nous rapporte foutrement rien, puis sûrement... vous. Ça nous coûte de l'argent. Ouais, ça sort de nos poches. Non, ouais, vous en savez quelque chose, Ben, moi, personnellement, j'aime ça faire de la radio. Puis en même temps, tu sais, je crois en ce que je fais. Puis je pense que comme vous, si on croyait pas vraiment à notre émission respective, quelle qu'elle soit, je pense qu'on se donnerait pas... On serait pas sué à chaque semaine à se ramasser, à donner une heure de notre temps, à faire de la recherche, à s'arranger, à donner du temps à chacun d'entre nous, puis juste trouver des invités aussi, parfois, là, c'est quand même de la job. Sinon, on serait tous sur un blog, là, puis c'est ça. comme mettons, genre, on va dire un nom de même, Louis Préfontaine. Vous avez osé dernièrement entrer undercover à la réunion du réseau Liberté Québec. Pas trop difficile? Écoute, c'est pas la première fois. Moi, c'était ma deuxième fois. Un récidiviste? Un récidiviste, ouais, c'est ça. J'étais allé en octobre dernier à Québec. Avec Simon. Avec Simon Touin, ouais. Puis je suis retourné là, il y a un mois, de quelque chose. Écoute, je vais dire ce que j'ai dit dans l'émission. C'est intéressant, la RLQ. C'est intéressant. Évidemment, ça veut dire que ça va être peut-être de la merde, mais c'est de la merde intéressante. C'est drôle de voir... du monde du 4-5-0, tout motivé, genre, pour des idées qui sont... Ouais, c'est ça, c'est vraiment des... tu veux savoir c'est quoi des RLKistes? C'est des Elvis Graton. OK. C'est ça. Le stéréotype. C'est le stéréotype, c'est du monde qui ont honte de leur culture québécoise, qui aurait tué mère et père pour naître aux États-Unis, genre... Puis vraiment, je veux dire, comme André Forgeant, le co-animateur, a dit, c'est du monde qui ont pété leur petit cochon pour s'acheter un suit cheap chez Moore's puis aller, genre, côtoyer les gens de la haute finance au colloque du RLQ. C'est ça, le RLQ. Alors, au niveau de votre émission, moi, je le sais de quoi vous parlez, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, je vous permets de faire un petit peu de pub parce que vous en avez besoin. de quoi parle votre émission? C'est ma BA de la journée. Si je suis un ancien scout, c'est resté dans mes bonnes valeurs. Okay, c'est vrai, t'as beau shit, là. Ouais, c'est ça. Toton. Pas mal pendant une heure de temps, puis on sacre une fois de temps en temps. Pas mal plus qu'une fois, tant qu'à moi. Non, mais écoute, c'est... Nous, on peut pas, on est vraiment... C'est pas de la vraie radio. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Nous autres, non, pas nous, c'est ça. Enfin, ironiquement, ça nous donne une plage plus grande de ce qu'on peut faire. Mais non, mais en fait, l'axe d'émission, c'est vraiment... c'est des nouvelles nationales, locales, puis internationales d'un point de vue nationaliste, indépendantiste. Mais beaucoup, il y a un gros volet sur les nouvelles internationales, parce que moi, je me suis toujours... Aujourd'hui, écoute, on parle d'indépendance, on parle de créer un pays, tout ça, mais une fois que le pays va être créé, si tu sais pas ce qui se passe dans le monde, tu vas te planter en pleine face, tu sais. Fait qu'on va parler beaucoup des instances internationales, des accords de libre-échange, mettons, Canada, Union européenne, pourquoi c'est important. L'accord Union de la Nord-américaine, ouais, les nouvelles monnaies. Oui, de ce genre de truc-là. Puis... De Bilderberg. Ouais, le groupe des Bilderberg, c'est le... On a ici David qui commence pas mal à connaître ça. Malheureusement. Matrice. Non, mais tu sais, c'est comme quand, genre, dans la matrice, là, t'as comme pris la pilule, là, parce que là, tu peux plus revenir en arrière. Ouais, exactement. Ben, ça se peut que tu m'as suicidé de deux balles en tête. Ouais, c'est vrai. C'est courant, Mais oui, non, mais tu te portes la première fois, fait qu'après ça, pour être sûr de pas te rater, ouais. Non, mais c'est ça qui marque dans l'aéroport de police, tu sais. Oui, c'est ça, c'est super. Possible. Et rapidement, dans votre dernière émission, évidemment, j'avais besoin de ma dose. Il faut toujours aussi savoir aussi ce que la compétition fait, comme on dit, pour pouvoir être meilleur. Tu sais, je dis ça en blague, mais tu sais, je veux dire, on s'entend bien, puis c'est vraiment plaisant de vous avoir en ce moment avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vangue orange? Parce que lors de votre dernière émission, Christian Bergevin, qui faisait partie de l'ancienne émission des manicots répressifs avec André Forget, avait dit, bon, je veux dire en termes correct, pas dans ses propres mots parce que je peux pas le dire à la radio. Voilà. Je souhaite que Gilles Duceppe, ce sinistre individu à des tendances fallacieuses et sodomites, puisse perdre ses élections et que le Bloc disparaisse. Oui. Est-ce que vous avez parlé à Christiane Pissonnet? Est-ce qu'elle a fait un party le lendemain? Je pense qu'elle est encore en party. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas revenue encore. Ça fait une semaine et demie qu'il y a une érection. Non, mais sérieusement, comment vous voyez ça? Parce que j'ai pas eu le temps de tout écouter l'émission, mais vous sembliez vraiment découragé. Ce qui me désole dans ça, c'est que je peux comprendre une vague réactionnaire ou un vote de contestation, j'ai pas de problème. Le parti Rhinocéros existe pour ce genre de choses-là. Le NPD, qui n'a pas de base, qui n'a jamais eu de base au Québec en tant que tel, s'est retrouvé du jour au lendemain avec une trolley de députés néophytes, de gens qui ne voulaient pas faire de la politique. Le problème avec ça, c'est que ça a été fait sans aucun discernement. C'est moi, je voulais que le Bloc mange une claque. Parce que j'aimais pas que le Bloc était géré. Bon, il y a beaucoup de multiculturalisme dans le Bloc. Je n'aimais pas Gilles Duceppe. Bon, là, c'est pas une claque qu'ils ont eue. Là, ils ont été éradiqués. Là, vraiment. Ouais, c'est une purge totale. Là. C'est allé trop loin, moi, je pense. Mais d'une certaine manière, nous, ça fait longtemps qu'on prône la politique du pire au Fils de la Liberté. On veut. En fait, ce qu'on s'est retrouvé devant la politique du pire qu'on s'attendait vraiment pas, c'était. C'est un gouvernement majoritaire conservateur avec une opposition unique. Le gang de néophytes qui pourront rien faire. Juste des suggestions. Oui, Layton l'a promis. Jack Layton m'a dit dans son discours de victoire, on va proposer des suggestions. Je peux que Harper doit avoir peur, c'est un assistant, là, vraiment. Là. Non, mais parce que moi, c'est surtout le fait que non seulement c'est un vote de contestation, mais ça donne une grosse claque carrément au mouvement souverainiste, parce que là, ils font comme, regarde, le Bloc sort de là. Mais moi, la question que j'ai, c'est, on a entendu Bernard Landry qui disait, oh, mais regardez, c'est un détour de 4 ans pour la souveraineté, l'indépendance, va revivre peut-être plus tard. Qu'est-ce que t'en penses de ça directement, de sa position qui s'est prise? Landry, l'indépendance. Mathieu vient de parler. Landry peut même penser ce qu'il veut. Il a fait sa job au niveau du. Il a fait ce qu'il pense qui était correct, je pense, au niveau du mouvement indépendantiste. Moi, ce qu'il pense, je m'en fous un peu, honnêtement. Moi, je pense au contraire que si on est intelligent, on fait l'indépendance dans les deux prochaines années au provincial. Sauf que malheureusement, il y a une ma tante qui s'appelle Pauline Marois au PQ qui est l'obstacle numéro un, d'après moi. Là, on l'a vu, il y a des alliances qui sont en train de se créer, là, peut-être avec le NPD et le Québec solidaire, avec l'ADQ et François Legault. Ça s'entraide de s'allier de gauche à droite, puis le PQ ne s'allie pas avec personne. Moi, je pense que honnêtement, si on est intelligent, faut voir le résultat du 2 mai comme une opportunité. C'est-à-dire que, je parlais de la politique du pire tantôt, ben on l'a, là on va se faire cracher dessus pendant 4 ans. Dans les prochaines années, là, on va se faire écraser par les conservateurs. On a vu que le Québec, encore une fois, est une société distincte par rapport au reste du Canada. Je suis allé sur le site de boussoleélectorale.ca, je pense que tout le monde l'a vu. Et tu votais pour qui, ça, selon eux autres? Je comprends pas. Pour la boussole électorale, tu l'as-tu fait, le fameux test? Non, j'ai pas fait, non. Ah, qui t'a posé? Non, j'ai pas posé. De toute façon, c'est indépendantiste, c'est de crisser vert, là, fait que ça marche pas. Non, écoute, c'est pas ça. Mais l'affaire, c'est que là, je pense qu'on a eu une opportunité. Et si Pauline Marois serait intelligente, elle s'allierait avec Amir Kadir pour faire un front commun souverainiste avec Québec solidaire. Si. Oui, c'est évidemment, je m'attends pas à ce que ça arrive, malheureusement. Mais je pense que c'est. Écoute, dans le meilleur des mondes, Amir Kadir sera à la tête du PQ, puis dans 2 ans, on va faire l'indépendance. Là. Mais. Pas le Marois. siècle. Faut vivre avec la pauvreté, frappe le Québec. Une population en péril, décimée par de grands exils, vers où tout semble plus facile. Le courant descend vers les étangs, où du travail, oui, il y en a, mais y'a pas d'argent à faire là. Mais y'a pas d'argent à faire là. Toutes les contrées remplies de ressources à exploiter. Du haut de ses 6 pieds, 300 livres, il va s'y faire à maintes reprises, afin que son chemin de fer arrive. Afin que son chemin de fer arrive. Au nom du pays. Il y avait un curé, oh. Il disait aux gens, venez me retrouver, c'est par ici qu'on sauve sa peau. On est très grand à cul. Fameux train qui aurait permis de ramener le butin s'est jamais rendu bien loin. Les colonies laissées à elles-mêmes, hectares d'avare et plein de problèmes, encore la pauvreté qui les freine. Le roi du Nord fut imposant, mais son rêve ne dura que 10 ans. Il s'éteignit, il s'éteignit presque en même temps. De retour aux Irréductibles, la radio libre de l'Outaouais, sur les ondes de... Réel Radio. .fm. Québec Radio. .org. Et du 1670. AM. Dans la belle et grande... région de l'Outaouais. Oh oui, nous sommes de retour, bande de chanceux. On est en feu aujourd'hui. Ça brûle en dedans. Je ne sais pas si c'est parce que c'est notre fête nationale le vendredi prochain. Eh oui. Oh oui, ça s'en vient à grands pas à part de ça. Mais en attendant... Et si on laissait Patrick éteindre ce feu avec de la bière? Oh non, je pense pas qu'il réussisse à éteindre le feu avec ça. Il peut juste l'alimenter davantage. Ah! Alors vas-y, Patrick, enflamme nos micros. La parole est à toi. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ben, la semaine passée, je vous ai parlé de pourquoi faire une chronique de bière. Puis j'ai brossé un petit portrait de la bière au Québec. Ça a été trop court, malheureusement. Oui, ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui ont manqué, hein, j'ai parlé de l'ouverture du Québec face aux bières d'importation. Mm-hmm. Le paradis de la bière est au Québec. Et voilà. Et aussi de l'énorme choix de produits que nous avons, bien que des grandes compagnies comme Molson et Labatt contrôlent à peu près 70% du marché de la bière. Mm-hmm. Aujourd'hui, ma chronique est une invitation. Une invitation à découvrir les bières de microbrasserie québécoise. Hmm. Donc, je vous invite à boire. Oui, oui, oui, je vous invite à boire. Mais c'est parce que là, le gouvernement, il voulait pas changer la donne pour les permis de conduire, les jeunes de 25 ans et moins? À boire de façon responsable et avec modération. Ah, d'accord, je vois. Oui, oui. De toute façon, on n'a pas 25 ans et moins, nous autres, fait qu'on peut boire. C'est vrai. Et donc, voilà. Je vous invite à boire, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Mm. Pour beaucoup de drôles de monde, boire, c'est acheter sa caisse de 24, toujours la même caisse de 24, et la consommer tellement froide que ça goûte pas rien. Ouais. On cherche pas à On cherche pas le plaisir gustatif que peut nous apporter ce doux produit. On veut se pacter la gueule. On cherche l'ivresse, comme tu as si bien dit. Ben oui, ils passent même ça dans leur message publicitaire. Là. La bière tellement froide, les montagnes deviennent bleues. Et voilà. Donc, l'accent n'est plus sur le goût, non, mais sur le fait que ça va vous geler les papilles. Et voilà. OK. Donc, pourtant, la bière, c'est un univers de goût. Il y a tellement de choses. Il y a toutes les saveurs différentes, les textures, les richesses, les arômes. C'est comme une femme. Oui. D'ailleurs, il y a une très bonne citation de Homer Simpson là-dessus. Je vais peut-être vous ramener ça à une prochaine chronique. Bien sûr, vas-y. Je vous invite... Excuse-moi. Oui, c'est correct. Bon, OK. Donc, je vais vous inviter à vous rendre régulièrement dans plusieurs endroits, dans plusieurs des adresses que je vais vous nommer présentement. Rendez-vous régulièrement pour regarder, observer les bières que vous y voyez. Essayez de vous rappeler des noms des microbrasseries. Hein? C'est pas juste l'étiquette est belle, je la prends, mais on va lire sur l'étiquette. Qu'est-ce qui s'y trouve? Posez des questions aux commis qui travaillent dans ces magasins-là de bière. Ouais, des magasins où ils vendent des bons produits. Essayez de dire qu'est-ce que j'aime? Est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose? Donc, essayez de vraiment découvrir qu'est-ce que la bière québécoise a à vous offrir. Mm. Si vous prenez la peine d'aller à sa rencontre, laissez-moi vous promettre qu'elle va vous satisfaire. Ça, je suis assez d'accord. Mm-hmm. Donc, ici, dans la grande région de l'Outaouais, on est pas mal chanceux. Hein, la région de l'Outaouais, c'est quand même notre région aux Irréductibles. Bien sûr. Absolument. Même si l'émission est diffusée partout. Dans toute la globalité mondiale. Exactement. Oui. Donc, je vais vous parler des adresses, des endroits où on peut retrouver de la bière. Vas-y. Premièrement, une première place, je vous dirais d'aller, c'est à L'Autreuil, sur la rue principale à Elmer. Mm-hmm. OK, rendez-vous à Elmer, dans la grande ville de Gatineau. Mm-hmm. Sur la principale, j'ai pas l'adresse exacte, c'est passé l'hôtel de ville. Fred va nous chercher ça, c'est une omission que j'ai faite dans la préparation. Pas de problème. On se rend là, et puis c'est une belle petite place. Écoute, ils ont une sélection de bières impressionnante. Moi, honnêtement, la première fois que je suis allé, ça m'a marqué. Des fois, c'est étourdissant. Il y a tellement... L'adresse, c'est le 55 rue principale à Gatineau, quartier Elmer. Merci. Yeah. Les premières fois que tu vas là, si tu regardes, on met le menu devant toi, tu as l'impression que c'est un menu de resto complet. Mais non. Il n'y a pas de nourriture là-dedans, que des pages et des pages et des pages de choix de bière. C'est ce que j'aime. Tu vas quelque part, puis comme au restaurant, on tend un menu des vins, mais à plat, c'est de la bière. Ça fait preuve d'un respect du produit. Le néophyte qui se rend là va probablement préférer demander au commis ou au serveur. Qu'est-ce que tu prends, toi? Non, mais c'est ça. Mais dire conseille-moi quelque chose. Pour eux, c'est un plaisir d'associer la bonne bière à la bonne personne. Mm-hmm. Hein? Tu leur dis j'aimerais ça avoir une bière rafraîchissante ou au contraire réconfortante. Ou même les deux mis ensemble pourrait être difficile. Puis eux autres, ils vont trouver le produit. Puis moi, c'est un endroit que je me rends souvent pour avoir des bonnes découvertes. Maintenant, aussi, vous voulez de la bière locale en Outaouais? Allez au Brasseur du Temps. Absolument. Oui, ça, j'ai adoré. 170 rue Montcalm, Gatineau. On a de la bière qui est produite ici, dans un édifice historique. Historique, qui était anciennement une brasserie aux abords du ruisseau de la brasserie, que ça s'appelle. Exactement. Donc, quand vous allez vous y rendre, planifiez le temps de faire la petite visite du musée. Je ne l'ai pas encore fait. Ça vaut vraiment la peine parce que vous pouvez y lire l'histoire de la bière depuis le néolithique et jusqu'à l'histoire de la bière à Hull. Mm. Pourquoi Hull a déjà été nommé Beer Town? Parce que c'était le petit Chicago, c'est ça? Oui, absolument, c'est ça. Et puis après ça, vous pouvez venir déguster toute une bonne sélection qui a été préparée par le maître brasseur Dominique Gosselin. J'espère pouvoir pouvoir me rendre, lui poser quelques questions pour les irréductibles. Ah, certainement, ça serait le fun en maudit. Donc, une autre place, le Chelsea Pub à Chelsea. Je sens qu'on connaît quelqu'un qui travaille là. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Salut Maridia, on te salue. Oui, elle nous écoute peut-être de la BTB. Mais oui, l'Internet se rend partout. Chelsea Pub, c'est 288 chemin Old Chelsea. À Chelsea. À Chelsea. Vous n'allez pas le manquer. Le Chelsea Pub a une bonne sélection de bières et depuis peu, ils ont une bière qu'ils ont fait à la microbrasserie de Charlevoix. Donc, un des tenanciers du restaurant s'est rendu jusqu'à la microbrasserie de Charlevoix. Lui-même est un maître brasseur formé. Il a créé sa propre bière. Et scoop qui s'en vient, c'est qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Le Chelsea Pub veut devenir une brasserie. La deuxième brasserie dans l'Outaouais. Oh, wow! À venir. Tu faisais comme un deuxième BDT. Du genre, oui. Wow! Intéressant, absolument. Ça commence à être... J'espère que nos auditeurs se rendent compte à quel point qu'il n'y a pas juste Montréal puis Québec, ces petits endroits-là, qu'il y a de la bière. Comme disait Patrick la semaine passée, c'est en train de se développer de partout. Et l'Outaouais ne fait pas exception. On est quand même la quatrième plus grande ville au Québec. Au Québec. Puis je trouve qu'il était temps. Eh bien oui, il commence à être temps certain. Mais vas-y, continue. Excuse-moi, on t'a interrompu. En tout cas, quand vient le temps de chercher une bière, on n'a pas à être jaloux des grandes villes au Québec parce qu'on est bien servi. Surtout par les commerçants comme le Brouhaha, qui nous offre une sélection de plus de 300 bières. Absolument, c'est phénoménal. Les bières, tu rentres là et les bières sont classées selon les couleurs, selon les styles. C'est facile s'y retrouver puis faire des découvertes de cette façon-là. Moi-même, j'y suis allé vendredi pour aller chercher des produits dans la section des nouveautés. Oh. C'est absolument phénoménal d'avoir une section des nouveautés. Et puis, c'est sûr que c'est une adresse à laquelle je vais me rendre très souvent parce qu'il y a des produits rares qui sont disponibles. Pour les grands... amateurs de bière qui veulent la plus grande sélection et et une disponibilité de tout le produit, là, c'est l'endroit à se rendre. Puis, finalement, bref, pour toi et tes chroniques, c'est l'endroit à se rendre aussi. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, on l'avait reçu sur nos ondes, M. Pommet, le propriétaire, puis il nous avait dit que si jamais les gens de la région qui veulent déguster des produits, si je me souviens bien, c'est les vendredis et les samedis. Il y a des dégustations sur place. Donc, il faut se rendre au 867 boulevard Saint-René, à l'angle du boulevard de l'hôpital. Absolument. Pas loin du Rona et du Valentine. C'est vrai. Voisin du Valentine. Un autre endroit que j'ai découvert récemment, c'est le dépanneur Rapido au 43 rue Front Aylmer. Un dépanneur d'allure totalement... Dépanneur. Dépanneur, oui, simple. Mais quand tu y rentres, tu vois, il y a comme une espèce d'extension, une petite pièce à part. Une pièce magique. Oh, c'est comme le candy store de l'amateur de bière. C'est comme une voûte secrète. Tu rentres là, puis... C'est juste pour les initiés. Là. Oui, oui. C'est comme dans Harry Potter. Si t'as pas le don, tu la vois pas. Donc, dans une belle petite pièce, une grande sélection de bières de microbrasserie. Donc, encore une fois, puis c'est tenu par des gens qui connaissent bien la bière et qui aiment eux aussi la découvrir. Mmh. Donc, une bonne sélection de bières à Aylmer pour ça. Et puis, sur le boulevard Saint-Joseph à Hall, c'est 69 rue Saint-Joseph. Mmh. C'est pas très loin de l'UCO, en fait, finalement, si on regarde. C'est ça, c'est à peu près dans la grande section entre Taché puis les ronds-points. Donc, la brûlerie de Saint-Joseph, qui est avant tout une brûlerie, qui fait de l'excellent café, qui a des très bons chocolats, a aussi, dans son frigidaire, une très grande sélection de bières qui continue de grandir. Et ça, c'est franchement épatant comme endroit. Donc, rendez-vous à la brûlerie, c'est le fun d'y aller. Ah. Puis aussi, bien sûr, juste ici, à côté de l'UCO, c'est l'épicerie Omni, qui avant s'appelait le Jovi. OK. Oui, okay. C'est vrai. C'est souvent, même les gens l'appellent encore comme ça. On dirait que ça allait comme garder le nom. C'est comme chez moi, à Repentigny, on a un dépanneur au bout de la rue. Puis tout le monde appelait ça le Perrette. Parce qu'avant, il y avait une chaîne de restaurants qui s'appelait Perrette. Vous avez vu le film 1981 1, je crois, de Ricardo Trogi. Ah oui, la Perrette. Il s'en va au Perrette. Mais c'est que le dépanneur ne s'est jamais appelé Perrette. C'était le dépanneur, genre, plus loin. Mais les gens, encore aujourd'hui, l'appellent, même en, écoute, j'ai 33 ans, j'ai suis retourné, puis les gens disent, ah, je vais aller chez le Perrette. Mais ça a comme eu comme 6 noms différents, 6 propriétaires différents. Et encore, les gens, ils appellent ça comme étant le Perrette. Mais, et voilà. Tu disais donc l'Omni. Donc, l'Omni. Tu me déçois, là. Ok, de toute façon, t'avais pas fini. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, c'est correct. Tu me déçois. Oui, mais non, voyons. Merci. Vas-y, continue. Donc, mais ça, c'est les principales adresses que j'avais à dire pour l'Outaouais. Maintenant, si... Oh, là, tu me déçois, là. Là, tu me déçois pour de vrai. Ah, t'as oui, oublié un magasin très important. Vas-y, donc, voir. La trappe à fromage? Ah, ah oui, sûr. C'est vrai, c'est la vrai. Trappe à... Oh, come on, là! C'est écrit ici. Oh, la fameuse trappe, c'est vrai qu'ils ont une très belle. Il y a deux sélection. Fromages dans l'Outaouais. Je ne suis pas friand de fromage. Même, je peux dire que le fromage en tranche, puisque c'est ma pizza, c'est vraiment le max que je puisse manger. Et encore, là, je suis vraiment pas friand de fromage. Mais s'il y a deux fromages dans la région qui se font la compétition, c'est le fromage de Saint-Albert. Oui. Évidemment, enfin, bientôt cet été, ça va être le festival de la curd. Et le fromage en crotte de la trappe à fromage. Les deux se font en compétition. C'est vrai. Je suis assez évidemment. D'accord. Les fromages... Et je crois qu'on peut trouver quand même une qui est sur Maloney ou proche de Maloney? Oui, c'est oui, c'est pas de la Gap. Il va falloir que tu ailles me chercher ça. Il y en a quelques-uns. Oui, c'est ça. Il y en a un sur Saint-Raymond, sur le boulevard Saint-Raymond, aussi à Hull. Mais là, c'est ça. C'est qu'il y en a plein d'adresses, tu vois. C'est normal que je vais en oublier. Puis la prochaine affaire, je veux dire, c'est que si les auditeurs... veulent me dire que j'ai oublié quelque chose, rendez-vous sur la page Facebook des Irréductibles. Oh. Émission Les Irréductibles. Écrivez-moi, OK? Et puis, ça va me faire plaisir d'aller découvrir chacune des places que j'ai pas nommées pour pouvoir vous en parler. J'en ai parlé en fin de semaine à ma famille, et puis il y a même des gens qui me disaient « Oui, oui, il y a tel restaurant, et tel autre restaurant, et tel autre restaurant qui ont des produits de microbrasserie. » De plus en plus, les restaurants sont en train de nous offrir des produits locaux. Et ça aussi, il faut le faire. Il faut aller dans ces restaurants-là pour pouvoir faire un bon accord entre une bonne bière et le bon repas qui va avec. Bien, merci beaucoup, c'est Patrick. Vrai. C'était vraiment intéressant. J'espère que tu vas revenir, que tu vas continuer à participer avec nous parce que tu mets un petit quelque chose de plus à l'émission. Ben, tu viens de me donner le goût de faire une chronique bière et fromage parce yeah. qu'il faudrait que je te fasse découvrir le bon mariage qu'on peut faire. OK, ça c'est. Moi, là, tu viens de trouver un fan. Je suis fan de fromage à la base. Ah oui, j'aime la bière. Donc, moi, je prends la bière, je laisse le fromage à Kevin. Ah, c'est bon, ça. Alors, on poursuit en musique avec Fred Pellerin. Quand vous mourrez de nos amours. Chanson excellente en passant. Ben bon. Parfait. Alors, vous l'avez entendu, excellente en passant. Et on revient avec Kevin qui a une couple de petits sujets pour nous. Absolument. Restez à l'écoute. De nos amours, j'irai planter dans le jardin fleurs à fleurir de beaux matins, moitié métal, moitié papier, pour me blesser un peu le pied. Mourir de mort très douce qu'une fleur pousse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai sur l'air de ce temps chanson chanteuse pour cet âme. Vous l'entendrez, vous l'apprendrez, et vos lèvres m'en seront grées. Mourir de mort très lasse que je la fasse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai de livres si beaux qu'ils vous serviront de tombeau. Et m'y coucherai à mon tour, car je mourrai le même jour. Mourir de mort très tendre à les attendre. Quand vous mourrez de nos amours, j'irai me pendre avec la clé au crochet des bonheurs bâclés. Et les chemins par nous conquis, nul ne saura jamais par qui. Mourir de mort exquise, que je le dise. Quand vous mourrez de nos amours, si trop peu vous reste de moi, ne me demandez pas pourquoi. Dans les mensonges qui suivraient, nous ne serions ni beaux ni vrais. Mourir de mort très vive, que je vous suive. De retour, bande de chanceux aux Irréductibles, la radio libre de l'Outaouais, sur les ondes de Réel Radio. FM, Québec Radio. Org. Et du 1670 AM. Dans la grande région de l'Outaouais. Oh oui, nous sommes là pour vous parce que le besoin est là. Oh, c'est absolument, tu pouvais pas mieux dire. Et les Irréductibles, c'est moi, ce sont vous, messieurs, ce sont nos éditeurs, donc c'est moi, c'est vous. C'est nous. Ah oui? On est quétaine, mais on aime ça comme ça. Bien, certain. Mais non, c'est important. Bien sûr. Alors, donc, vas-y, Kevin. Oui, j'avais un petit sujet, en fait. T'as aussi une crotte sur le cœur? Non, ben c'était... Oui, si on veut. Dans le fond, étant moi-même étudiant à l'UQO, puis étant donné que notre ça parle notre de la région. Studio, ben ça, ça parle de la région, puis étant donné que le studio est situé à l'UQO, en plein cœur même du pavillon Alexandre Taché. Je suis tombé là-dessus. Je lis pas vraiment souvent le journal Le Droit. Je m'en confesse. C'est pas un journal qui m'intéresse plus qu'il faut. Mais je suis tombé là-dessus. C'est le seul qu'on a. C'est ça. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui pendant que je prenais un petit café avec ma copine. Bon, dans un café, évidemment. Puis là, je feuillette le journal. Puis là, j'arrive au journal Le Droit. Puis je vois sur la couverture un texte. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Qui disait que... En gros, ça disait pratiquement que l'UQO part en guerre contre la cité collégiale et tout ça. Oh, c'est Darth Vader. Donc, non... Petit effet ici. Oui, ah, c'est bien que tu commences à jouer avec ça, c'est bien. On va pouvoir mettre des effets dans nos... Mais non, donc, c'est ça, je suis tombé là-dessus. Un article qui était publié dans Le Droit d'aujourd'hui. Et qui parlait justement de ça, de l'UQO, le cégep de l'Outaouais, tout ça, qui ont formé une alliance. Puis en gros, ce qu'ils dénoncent, c'est le manque... En gros, ce qu'ils dénoncent, c'est excuse-moi. Non, pas de problème. C'est le manque de financement, si on veut, de nos institutions ici en Outaouais. T'sais, on a la chance d'avoir un campus universitaire, l'UQO. Il y a le cégep de l'Outaouais, tout ça. Et puis... On remarque, ça fait longtemps qu'on l'avait remarqué, mais là, on a des chiffres, grâce à la loi à l'accès à l'information, on a des chiffres à mettre là-dessus. L'exode des étudiants de l'Outaouais qui vont de l'autre côté de la rivière, en Ontario, pour aller étudier là, parce qu'il y a plus de programmes qui sont offerts là-bas qu'ici. Et les chiffres sont de? 45%. Vas-y, j'ai de déconner, vas-y. Mais non, donc, selon l'article que j'ai devant moi, qu'on a trouvé grâce à la technologie merveilleuse des internets, l'article va comme suit. Le pouvoir attractif de la cité collégiale, entre autres, pour n'en nommer que celle-là, mais il y a aussi l'Université d'Ottawa, pour les jeunes étudiants québécois, n'est une surprise pour personne en Outaouais. Toutefois, d'apprendre, grâce à la loi d'accès à l'information, que 45% des quelques 4000 étudiants réguliers à la cité collégiale sont des jeunes de l'Outaouais, québécois, qui ont délaissé le réseau québécois d'enseignement postsecondaire au profit de celui de notre voisin. C'est assez frappant. Donc, c'est ça, là, l'article continue comme suit. Le recteur de l'Université du Québec en Outaouais, mentionnait ceci. Il dit « Je veux bien croire que les francophones du Canada aiment bien Ottawa, mais mon impression veut que ce soit les étudiants du Québec qui soient ciblés. » Et il disait ça suite à l'ambition, si on veut, du collège franco-ontarien, de doubler ses effectifs. Donc, ils veulent passer de 4 000 à 8 000. Là, on sait, ben, je veux dire, la cité collégiale grandit, ils construisent des nouveaux pavillons, tout ça. Et moi, je trouve ça très bien, en fait, qu'ils améliorent leurs installations, tout ça. Moi, je suis vraiment pour ça. Sauf que là où, moi, ça vient me chercher, et là, justement, où j'ai une petite crotte sur le cœur, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que on manque carrément de financement ici. Je veux dire, j'avais les chiffres dans le journal. Malheureusement, sur Internet, j'ai pas l'article complet. Mais les chiffres étaient assez éloquents. Ils comparaient les différentes régions du Québec. L'Outaouais avec, exemple, l'Estrie, la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout ça. La population, genre la population totale des villes. Et le nombre de programmes, que ce soit baccalauréat, maîtrise, doctorat. Et la région de l'Outaouais fait pitié, mais solide. On a la plus haute population. Je veux dire, on est quand même la quatrième, tu l'as mentionné tantôt, on est quand même la quatrième ville en importance au Québec. Mais on a, si je ne me trompe pas, c'est pas plus qu'une dizaine de programmes au baccalauréat. En maîtrise, je pense qu'on en a sept, puis doctorat, on en a seulement cinq. C'est ridicule. Quand tu regardes une région comme l'Estrie, je pense que tu avais quelque chose comme une quarantaine de programmes de baccalauréat, 57. Là, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais de mémoire, là, ça ressemblait à ça. C'est le double, quasiment le triple de ce qu'on peut avoir ici en Outaouais. Puis je trouve ça inacceptable. Puis c'est la même chose au niveau cégep ou même au niveau professionnel. Il y a tellement peu de programmes qui sont offerts en Outaouais que... Et puis avec la proximité, veux pas, la proximité avec Ottawa, ben c'est évident que les gens ils vont traverser l'autre bord de la rivière. Fait qu'il est temps qu'il se fasse quelque chose ici. Puis là, je m'adresse personnellement à notre premier ministre, pour ne pas le nommer, parce que on sait déjà... Attends, j'ai de quoi pour lui. Oh non. C'est lui qu'on va y envoyer. Ah ouais, on va l'envoyer pour lui donner une volée. Mais non, je m'adresse au premier ministre du Québec... Donc... Excuse-moi, le bouton de s'est pris. Oh, j'arrête de niaiser, vas-y. Je m'adresse au premier ministre du Québec et je lui dis clairement ceci. Et pourquoi pas au ministre de l'Éducation, tant qu'à y être. Il commencerait à être temps qu'il considère l'Outaouais comme faisant partie du Québec. Puis qu'il arrête de se dire qu'on est juste une banlieue d'Ottawa. Puis qu'on... C'est pas grave, on n'a pas besoin de programmes universitaires puis d'investir dans l'éducation en Outaouais. Je veux dire, c'est pas grave, eux autres, ils ont Ottawa de l'autre bord. Ils vont aller à l'Université d'Ottawa. Ils vont aller au Mais Kevin, on fait partie du Canada. Mais oui. Faut profiter de ce que les autres provinces peuvent nous offrir aussi, le bilinguisme. Mais oui, mais qui mange? Qui mange? Puis, t'as-tu un son pour ça? Attends, qui mange? Ouais, c'est moins bon. Ça fait ça. Va falloir mettre de l'ordre là-dedans. On rajoutera une couple d'autres sons en fonction de nos prochaines chroniques. Je pense que je vais avoir pas mal de fun à fouiller là-dedans. Mais cela dit, donc c'était ça un peu ma petite crotte sur le cœur en lisant cet article-là. En fait, il y avait 2-3 pages là, qui étaient consacrées à ça dans le journal Le Droit. Puis bon, sachant que le journal Le Droit ne compte que quoi, une quinzaine de pages. Mais non. On vient de se faire couper. C'est une blague. Je lance en même temps un petit jab à un de mes bons amis, Sam, qui travaille maintenant pour Le Droit. Mais non, donc c'est ça. Il consacrait quand même une couple de pages à ça. Puis donc, je vais continuer de suivre ce dossier-là pour vous la semaine prochaine. Je vous reviendrai peut-être avec plus d'informations là-dessus. Je vais me documenter et puis je vais revenir avec des chiffres concrets la semaine prochaine. Je vais repasser à travers tous les articles. Je vais prendre ça en note. Là, puis, parce que là, moi, juste avant de m'en venir à l'émission, je suis tombé là-dessus. Fait que écoute, fallait que j'en parle. Fait que semaine prochaine, je vais essayer de focusser là-dessus. Puis il va peut-être avoir du nouveau aussi, là, parce que je sais que le recteur de l'UQO est pas mal impliqué. Puis il y avait également le cégep de l'Outaouais. Donc, j'apprécie beaucoup que Réel Radio nous prête les studios qu'on utilise en ce moment. Mais si vous voyez, si vous aviez la chance de voir les studios de radio qu'ils ont, le Cité collégiale, il y en a 6. Oh oui, non, c'est et je vous parle même pas de l'équipement. C'est incroyable. Non, il y aurait vraiment besoin d'investir dans le milieu de l'éducation postsecondaire en Outaouais. Il y en a grandement besoin, honnêtement, là, pour justement faire une saine compétition. La santé pogne le bord, l'éducation pogne le bord. Puis après ça, ils se plaignent que le monde ne reste pas en Outaouais. Ben oui. Tu sais, tu as la proximité avec l'autre bord, Ottawa, tu regardes ce qu'ils font, puis tu te dis, ben voyons donc. Mais justement, on est les irréductibles, c'est à cause de nous que les gens vont revenir en Outaouais. On va faire changer les affaires. Voilà. Je te le dis. Check-moi bien l'autre bord de la rivière. Toi, là, oui, toi, là-bas, l'Ontarien qui me regarde en ce moment, là, salut. Oui, c'est ça, je te fais des tatas, là. Fais attention, on s'en vient, on est là pour rester. Et en même temps, si tu nous parlais, mon cher ami, de ce qui s'en vient, veux pas... Oui, ben je peux vendredi, commencer... Vendredi, tu sais. Oui, ben je vais commencer tout de suite avec ça. Bon, pas parce que ma copine fait partie de l'orchestre. Mais je voulais vraiment glisser un mot parce que je trouvais que cette année, Outaouais en fête a vraiment une programmation incroyable. Ils sont allés chercher des artistes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, là. Puis, donc c'est ça. Ben, je voulais le show du 24, que moi, personnellement, je vais aller voir, évidemment, qui a lieu au Parc des Cèdres, dans la région d'Elmer. C'est Locolocas Symphonique. Oh. Et je sais que toi, Patrick, tu as eu la chance d'aller voir en personne, étant donné que tu participais au camp Saint-Alexandre, oui, camp de musique, ça. Donc où ils ont fait leur première expérience symphonique. En 2005 et 2006. Hmm. Puis là, ils reviennent dans la région avec leur spectacle symphonique. Cette fois-là, ça va être avec l'Orchestre symphonique de Gatineau. Puis ça va être, comme je l'ai dit, le 24, au Parc des Cèdres. Ça commence à 9h30. Mais on a aussi une grande légende de la chanson québécoise, c'est ça qui va être là. Monsieur Paul Pichet. Oui, ça, par exemple, ça a lieu à côté de l'école secondaire, le Carrefour, à côté des promenades. Gratuit. Absolument. Paul Pichet, spectacle de Paul Pichet gratuit avec Vilain Pingouin. Oh, oui, qui n'est pas rien, hein, Vilain Pingouin. Là. Ça, c'est le 23. Mon oncle Serge va être à la Grande Tablée. Oui, absolument. Puis, écoute, on a, honnêtement, il y a toutes sortes d'artistes. Il y a, dans la programmation, vite fait, parce que je sais que le temps va nous manquer, puis je pourrais peut-être pas donner tous les détails, mais... si vous allez sur leur page Facebook sur la page Facebook, vous faites juste taper dans recherche là, Facebook l'Outaouais en fête. Fait que j'imagine que puis, tu vas sans doute mettre un lien sur notre page Facebook. Ben, je vais le mettre certainement, je vais le mettre sur notre page Facebook. Si vous voulez aller voir ça, toutes les informations sont là, mais il va y avoir des artistes comme Carquois. Le 26. Le 26. Hein, juste Carquois, juste pour toi. Il va y avoir, écoute, Vincent Vallière, t'as Bernard Adamus qui va être là. Écoute, qui d'autre? Marie-Mé. Les Cowboys Fringants. Il va en avoir tellement pour tous les goûts. C'est incroyable, évidemment, comme je l'ai mentionné. Et l'adresse courriel, c'est quoi, rapidement? L'adresse courriel, si vous voulez aller sur leur site Internet, le www.festivaloutaouaisenfête, tout en un mot, là, sans espace, .com. Donc, allez voir ça. Ou si vous voulez carrément aller sur la page Facebook de l'événement, vous allez sur votre Facebook et puis vous tapez l'Outaouais en fête dans le petit moteur de recherche en haut, puis ça va vous sortir ça. Vous avez toutes les informations là-dessus. Alors, malheureusement, c'est déjà la fin de cette excellente émission des Irréductibles. Oh oui! Je vais en profiter en mon nom et je suis pas mal sûr aussi au nom de mon équipe. On va tous vous souhaiter une très joyeuse fête nationale. Absolument. De notre pays, le Québec. Oui, bonne Saint-Jean. Disons aussi bonne fête à tous les francophones de la Terre, car à la base, la Saint-Jean-Baptiste, bon, comme on sait, c'était la fête des francophones. Alors, bonne Saint-Jean à tous. Vive le français. Vive le français. On se revoit la semaine prochaine. Même bat-heure, même bat-chaîne. Alors, on vous laisse avec la citation, évidemment, de la fin d'émission. Nous rendons les ondes. Mais nous ne rendrons jamais les armes. Jamais. Bonne semaine à tous. Dans le sens du vent, le souffle d'un orage au loin se leva. Les villages face à face fixés calmement, les cloches silencieux prêtes au soulèvement. Les cloches silencieux prêtes au soulèvement. Les anciens Canadiens, moins français qu'Indiens, se donnaient rendez-vous pour se prendre en main dans un village au bord de la Richelieu qu'on appelait jadis Rivière des Iroquois. On appelait jadis Rivière des Iroquois. Ils partiront au matin certains dans la nuit, mesurant les distances en pipette à bord. La frontière des États ou la Yamaska, à cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. À cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. Un autre mois d'octobre et de dérangement, comme si le froid nous aidait à prendre le mort.